ne connaîtront pas ou ne comprendront plus la prière. Et là, Rosamine, il va justement bien nous faire comprendre que ça ne veut pas dire, c'est pas en fait qu'on a un dalil pour ceux qui abandonnent la prière, sont toujours musulmans, alors qu'ils savent ce que la prière est obligatoire, ils savent qu'il y a une prière, d'accord? Ils savent que c'est ma'loum min ad-din bid-daroura. Alors Rosamine dit ceci, « فَإِنَّ هَوْلَ الَّذِينَ أَنْجَتْهُمُ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّارِ » Donc ceux-là qui ont été sauvés par la parole, la ilaha illallah, du feu, كانوا معذورين بترك الشرائع الإسلام. Ils étaient excusés par le fait de délaisser les lois de l'islam. لأنهم, pourquoi? Parce que eux, لا يدرون عنها. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la connaissance. Et donc, il n'y a plus de livre à leur époque ni rien. Ils n'ont pas la possibilité d'apprendre. Donc, ils sont excusés. Et il va bien expliquer à l'Othémine par des exemples qui sont déjà passés avant. فما قاموا به هو غاية ما يدرون عليه. Donc, ce qu'ils ont mis en place. Parce que c'est ce que il savait le plus, c'est-à-dire le mot la ilaha illallah. Wa haluhum, et leur état tushbihu hala man matu qabla fard al-shara'i'. Et leur état ressemble à l'état de qui? Man matu qabla fard al-shara'i'. À l'état de ceux qui sont morts avant l'obligation des lois. Explication. Vous devez savoir, par exemple, que l'interdiction de boire de l'alcool n'est pas descendue quand les musulmans étaient à la Mecque, mais c'est après la Hijra, donc après plus de 10 ans, mais vers la fin de l'époque de la Hijra. Pareil pour le hijab, d'accord? L'obligation du hijab, c'est venu à la fin de la période médinoise. Et il y a des musulmans qui étaient morts, et des musulmans qui sont morts avant, et donc avant que l'alcool soit interdit, et avant que le hijab soit obligatoire, et donc ils buvaient de l'alcool, et ils ne savaient pas de péché. Ils sont morts sur ceci. Et les femmes ne portaient pas de hijab, et elles sont mortes sur ceci, et plein de lois comme ça. Est-ce que l'on dit que ces femmes n'ont pas porté le hijab, sont mortes en état de péché? Non, parce que la science, la connaissance du hijab, l'obligation du hijab n'était pas encore venue. Donc elles ne le savaient pas. Pareil pour ceux qui buvaient de l'alcool, alors que l'interdiction de l'alcool n'était pas descendue. Ils n'ont pas eu de péché. Donc, ceux qui viendront à un moment donné où ils ne connaissent rien de l'islam et ils n'ont pas la possibilité d'apprendre les lois de l'islam, ils seront excusés pour cela, comme sont excusés ceux qui n'ont pas eu la révélation des lois. Je continue la parole de l'Othaymin, Inch'Allah, où il dit « Aw qabl an yatamakkanu min fi'liha » ou « avant qu'ils ont eu la possibilité de le faire ». Comme celui qui est mort à la suite de, faire la shahada, donc de témoigner, avant qu'il ait la possibilité de faire d'appliquer les lois. Comme par exemple le hadith qui est assez connu, où il y a une personne qui est devenue musulmane et directement il est allé au djihad, au combat même, et il est mort, sans faire de prière, sans rien. Est-ce qu'on dit que lui, il est mort en état de péché? Non, parce qu'il est devenu musulman et à l'instant même, il est parti au combat et il est mort. Il n'y a pas de problème pour lui. Ou qui est devenu musulman fidèle kouf dans la terre de la mécréance. Et là, il faut comprendre, la terre d'une terre de mécréance où il n'y avait pas de musulmans, très peu, donc il ne pouvait pas apprendre. Et qu'il est mort avant qu'il ait eu la possibilité d'avoir la connaissance des lois. D'accord? Comme même par exemple ici, un exemple concret. Une personne vient, veut devenir musulmane, d'accord? Un chrétien ou un juif ou je ne sais quoi, un bouddhiste veut devenir musulman, pas de problème. On lui explique la shahada. On lui explique comme quoi il faut adorer Allah Azza wa Jal seul, rien d'autre, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, qu'avant il y avait Isa, Jésus, c'était un prophète, c'était pas le fils de Dieu. La personne accepte, il devient musulman. D'accord? Il devient musulman. Et juste après être devenu musulman, il meurt d'une crise cardiaque. Que se passe-t-il pour lui? Est-ce qu'on va douter de son islam? Est-ce qu'on va dire, oh, il est mort alors qu'il n'a pas encore fait la prière ni rien? Non, il n'y a pas de problème. Même s'il est mort et qu'il croyait que la prière n'était pas obligatoire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu la connaissance de ceci. Donc il n'a rien renié. Donc il meurt en étant musulman. Voilà, ensuite Al-Othaymin dit: Walhasilu anna ma stadalla bihi man la yara kufra tariq al-salah la yuqawimu ma stadalla bihi man yara kufrahu. c'est donc en résumé. Ce par quoi ceux qui ne voient pas la mécréance de celui qui délaisse la prière, ils s'argumentent par des choses qui n'équivaut pas, c'est-à-dire qui ne sont pas au niveau de ceux qui s'argumentent par des choses donc qui sont plus fortes que ceux qui voient que comme quoi il est mécréant. Lianna masadala bihi ulaika, parce que ceux-là qui se sont ceux-là donc ceux qui ne voient que comme quoi il n'est pas mécréant soit qui délaisse la prière, se sont argumentés, excusez-moi, imma an yakun da'ifan ghayr sarih, sauf par excusez-moi, soit par quelque chose de faible, comme un hadith qui est faible, rayo salir, ou qui est, comment dirais-je, qui n'est pas clair, ou par une chose qui est dedans, il n'y a pas d'argument à la base, ou qui vient avec une chose, un texte, qui est lié par une caractéristique, où le fait de délaisser la prière ne va, marche pas, ne va pas avec ceci. Ou que ce texte soit lié à un état, et cet état-là, on excuse dedans par le fait de délaisser la prière, comme on a vu cette dernière. Ou un texte qui est général, mais qui est spécifié, d'accord, par des preuves sur le fait, par des preuves de faire son takfir, d'accord. Vous voyez d'ailleurs, j'en profite ici, alors Samin, il emploie bien le mot takfir, d'accord, bi'adillati takfirihi, takfir. Je dis ça parce que certains, le simple mot takfir fait fuir des gens, ils disent, oh là là, ça y est, tu es un takfir, ou je ne sais quoi encore, khawarij. Le mot takfir est utilisé par tous les gens de science. Le mot takfir est utilisé par tous les mots, les gens de science. Le mot takfir, c'est le mazhab vers kafara yukafiru takfir, c'est de déclarer une personne qu'il est kafir. Seulement le takfir, il doit se faire par droit, il doit être juste, comme le tabdir et comme le tafsir. Tabdir, c'est comme le mot takfir, mais c'est pour sortir de la sunna, du verbe baddar, yubadiru, tabdir, c'est un masdar, d'un verbe rubari. Ensuite, Al-Othamin dit, فَإِذَا تَبَيْنَ كُفْرُهُ بِالدَّلِيلِ الْقَائِمِ السَّلِمِ عَنِ الْمُعَارِدَ الْمُقَوِيمِ. Donc si il devient clair que sa mécréance, par la preuve qui est mise en place et qui est saine de tout ce qui peut le contredire ou être le contredire et donc être au même niveau, wajaba an yatatarattab ahkamul kufr wa riddati alayhi. Alors il est obligatoire, wajaba an yatatarattab, à ce que en découle, se vient à la suite quoi, ahkamul kufr, les lois de la mécréance, ou ridda de l'apostasie, alayhi, sur lui, donc sur celui-là qui a délaissé la prière. Par nécessité que le jugement tourne, évolue avec sa cause, quand elle est présente ou quand elle est absente. Ça, c'est une parole de solution. C'est-à-dire que si jamais la chose est là, alors il y a les lois, et si elle n'est pas là, il n'y a pas les lois. C'est-à-dire que s'il y a un kouf, un ridda, les lois sont les lois du kufr et de ridda s'appliquent. Ici s'achève le petit épître de l'Orphémine sur celui qui a délaissé la prière. Donc on a fini, alhamdoulilah, le texte. Et je vais prendre juste un autre vraiment très petit texte de l'Orphémine sur le fait de délaisser la prière, où justement il parle des lois qui tombe pour celui qui est devenu mécréant, apostasie, et notamment là il parle de Hukm Tariq al-Salah, de celui qui délaisse sa prière. Et voilà ce qu'il dit. Al-Ahkam al-Shar'iyya li Tariq al-Salah, les lois légiférées de la charia, de la charia, li Tariq al-Salah, pour celui qui a délaissé la prière. Hukmuhu kafir murtad yusatab fa in tab wa illa kutila murtadda. D'accord, donc je traduis. Son jugement, c'est quoi à celui qui délaisse sa prière? Kafir, il est mécréant. Murtad, apostat. Yustatab, on lui demande de se repentir. Fa'intab, donc s'il se repent, c'est bon. Il l'a. Et s'il ne le fait pas, donc s'il ne se repent pas, kutila murtadda, on le tue en tant qu'apostat. Janazatuhu, donc sa janaza, c'est-à-dire une fois qu'il est mort, qu'est-ce qu'on fait de son corps? La yurassal, on ne le lave pas. Voilà le kafan, on ne le met pas dans un kafan, c'est-à-dire que dans un linceul. Voilà yusallar alayhi, et on ne prie pas sur lui, la prière du mort. Voilà, Yudfan Mar al-Muslimin, et n'en enterre pas avec les musulmans. C'est un kafir, c'est un mort, un apostat. Il n'a rien de droit de tout ça. Ad-du'a lahu, est-ce que, l'invocation pour lui, est-ce que ça se fait? La yajouz ad-du'a lahu, il n'est pas autorisé d'invoquer pour lui. Birahma, de la miséricorde, c'est interdit. Bardamotihi, après sa mort. Walakin yajouz ad-du'a bilhidahu, madame hayan, mais il est autorisé d'invoquer Allah, donc pour lui, de la guider, c'est-à-dire que Allah le guide, tant qu'il est vivant. Autre chose, hein, ça, quatrième chose, point. Mirathuhu wa wilayatuhu. Son héritage, wa wilayatuhu, et donc ce quoi il a al wilaya, c'est-à-dire qu'il a l'ordre, comme le fait d'être tuteur. Tarikatuhu li bayt il mal. Donc son héritage, donc si un murtad il meurt, son argent, est-ce qu'on va le donner à sa famille comme de droit, ses parents, si jamais c'est un homme et qu'il a une femme et qu'il a des enfants, donc la femme va avoir à Thumun, le huitième, ça s'apprend, j'aimerais bien, Inch'Allah, qu'on enseigne, qu'on apprenne les règles de l'héritage, c'est très important les règles de l'héritage, celui-là il a quelle part, etc. etc. Donc, quand il laisse un murtad, un apostat meurt, soit par la prière ou par autre chose, n'importe quel murtad, eh bien, personne de sa famille n'hérite de lui. Et lui, il n'hérite personne de sa famille musulmane, bien sûr. Mais son argent, donc, vient à qui? Les bayt al-mal pour la maison de l'argent, c'est-à-dire quand il y a un État islamique, il y a ce qu'on appelle bayt al-mal, la maison de l'argent des musulmans, donc ça va ici. Après, on va distribuer aux pauvres ou aux autres qui ont besoin. Voilà, yathiru ahadan min al-muslimin. Et il n'hérite personne parmi les musulmans. D'accord ? Donc si jamais il a un fils qui meurt ou un père qui meurt ou autre, il n'hérite pas. On n'hérite pas de lui et lui n'hérite pas. D'accord ? C'est un kafir murtad. Wala yatawalla amra ahada min muslimin, et il ne prend pas la wilaya, donc c'est-à-dire on va dire le fait d'avoir ordre sur personne parmi les musulmans. Exemple, si jamais il a une fille et qu'il est murtad, qu'il est apostat, eh bien il ne peut pas être le tuteur légal, il ne peut pas marier sa fille. D'accord ? Haluhu fi dunya, son état dans la dunya. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahrusuhu yawm al-qiyam a'ma. D'accord, et ça c'est inversé. Et celui qui se détourne de mon rappel, alors il vivra d'une vie qui est très oppressante, il sera gêné. Et on le ressuscitera, le jour de la résurrection, arma aveugle. Zawajuhu, son mariage. La yahalu tazwijuhu min muslima. Il n'est pas autorisé de le marier avec une musulmane. وَإِذَا عُقِدَ لَهُ عَقْدٌ يَكُنْ بَاطِلًا وَيُفْسَخْ الْعَقْدِ. Et si jamais on fait un acte de mariage à lui, donc si il se marie, يَكُنْ بَاطِلًا, donc ce mariage, il est bâtil, il est nul. وَيُفْسَخْ الْعَقْدِ. Et l'acte de mariage, donc le mariage, est annulé. ذَبِيحَتُهُ, ce qui l'égorge. Même si, mais ça, c'est même s'il se dit musulman. Hein. Quelqu'un parle, là, c'est l'exemple de celui qui a arrêté la prière, ou n'importe quel murtad, et qui croit qu'il est toujours musulman, et qui dit qu'il est toujours musulman. C'est ça, c'est son cas. Hein. C'est ce qui en découle. Et c'est le Rosamine qui dit ceci. Yahrumu akluha. Donc, il n'est pas. C'est haram de manger ce qu'il va égorger. Même s'il dit bismillah. C'est un murtad, c'est un kafir. Sachez que on ne mange la viande d'une bête seulement si elle est égorgée d'un musulman, d'un chrétien ou d'un juif, de personne d'autre. Un bouddhiste, non. Un laïc ou un athée, non. Un murtad, un apostat, non. D'accord ? Seulement de trois catégories, le musulman, le chrétien et le juif. Ou une musulmane, ou une chrétienne, ou une juive, car sachez, il est tout à fait autorisé, halal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, comme vous trouvez dans le Bukhari, qu'une femme égorge et qu'on mange sa viande. Il n'y a pas de problème pour ça. Dukhul al-haram, le fait de rentrer dans le haram, donc de rentrer à la Mecque. La yajouz an yumakkan